إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Le Cheikh, le grand savant Abdul Muhsin ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala célèbre pour ses commentaires et explications des recueils du hadith prophétique. Et il est aussi connu pour avoir commenté dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam les 6 livres du hadith, les 2 sahih de Bukhari et de Muslim, ainsi que les 4 sunan d'Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et dans le commentaire de Sunan Abi Dawud, qui est un recueil très célèbre, très important, chez les savants du hadith, il a été retranscrit son commentaire d'un grand chapitre de Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala, qui est le grand chapitre de As-Sunnah, Kitabu As-Sunnah, qui fait partie de Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Et nous allons voir l'explication du Cheikh qu'il va donner pour le titre de ce chapitre. قال المصنف رحمه الله يعني أبو داود كتاب السنة. Donc l'imam Abu Daoud رحمه الله a mis ce chapitre qui s'intitule كتاب السنة. الشرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله dit dans son commentaire. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله كتاب السنة وهذا الكتاب من جملة كتب كتاب السنن لأبي داود وهو يتعلق بمباحث العقيدة الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله il est originaire de Sijistan qui est une des régions, des endroits qui se trouvent en Asie, dans la région de l'Iran et de l'Asie centrale. C'est un endroit qui a connu beaucoup de savants et d'imams dans le hadith. Donc l'imam Abu Daoud, rahimahullah, a dit dans son livre As-Sunan, dans ce grand chapitre qui s'appelle Kitab As-Sunnah, les recueils de hadith, c'est comme si on a réuni beaucoup de livres. C'est comme si l'imam a fait un livre dans tel chapitre, un livre dans tel chapitre, un livre dans tel chapitre, puis les a réunis. C'est ce qu'on appelle As-Sunan. On appelle ça As-Sunan, les sunan, les traditions, le recueil des traditions. Et les traditions sont réunies selon les thèmes. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les livres qu'on appelle As-Sunan. Et aussi dans les jami', comme le jami' al-sahih de Bukhari de Muslim. Et là, d'autres façons de faire qui sont al-Masanid, qui est le problème de Mousnad, comme celui de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et là, ce n'est pas par thème, c'est rangé par compagnon, par narrateur. On a le Mousnad d'Abu Bakr al-Siddiq, le Mousnad de Omar al-Khattab, le Mousnad de Uthman, etc. Donc là, c'est rangé par compagnon qui a rapporté. Donc tous les hadiths, quel que soit le thème, rapportés par tel compagnon, ils sont réunis dans un même chapitre. Ça, c'est ce qu'on appelle les Mousnad. Et les Sunnah, c'est plus par thème. Par thème. Donc, dans les Sunnah, donc, il y a ce livre qui s'appelle Kitabu As-Sunnah. Donc, le cheikh nous explique que ça, c'est un des grands chapitres qui fait partie des grands chapitres du livre As-Sunnah de l'imam Abu Dawud, rahimahullah. Et dans ce chapitre, le thème qui est réuni dedans concerne le domaine dogmatique, le domaine de la croyance, le domaine du dogme et du credo. الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصنيف في مباحث العقيدة. Le cheikh Hafidhahullah nous dit la différence qu'il y a entre la méthodologie, la façon de faire des anciens et de ceux venus après, dans la compilation ou l'écriture des recherches ou des ouvrages dans le domaine du dogme. يأتي عند السلف ويراد به ما يتعلق بالعقيدة. Le terme as-sunnah chez les pieux prédécesseurs, les premiers parmi les musulmans, ils l'employaient pour vouloir dire la croyance et le dogme. Pour parler du dogme, pour parler de la croyance, ils employaient le mot sunnah. ولهذا نجد أن الكتب التي أفردت بهذا الاسم هي من كتب العقيدة. Et c'est pour cela que les ouvrages, les écrits de l'époque des pieux prédécesseurs qu'on retrouve et qui portent comme nom As-Sunnah, ça touche le domaine du dogme et de la croyance. ومن العلماء من أفرد مباحث العقيدة بالتصنيف. Et chez les savants, il y en a qui ont écrit des ouvrages spécifiques à la croyance et au dogme. وبعض هذه المصنفات حمل اسم كتاب السنة. Et certains de ces ouvrages portent le nom السنة. وأما أبو داود رحمه الله فقد جعل هذا الكتاب ضمن كتابه السنن. Mais l'imam Abu Daoud rahimahullah, lui, il l'a introduit dans son recueil des traditions, le livre As-Sunan d'Abu Daoud rahimahullah ta'ala. فهو من جنس كتاب التوحيد وكتاب الإيمان عند الإمام البخاري. Donc le kitab As-Sunnah dans le Sunan d'Abu Daoud, c'est semblable à Kitab al-Tawhid et Kitab al-Iman qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, qui est une compilation, un recueil des hadiths par thème, l'imam al-Bukhari, il a deux grands chapitres, l'un qui s'appelle Kitab al-Tawhid et l'autre qui s'appelle Kitab al-Iman. Abu Daoud, lui, il l'a appelé Kitab al-Sunnah. C'est semblable. أي أن الكتاب الجامع يشتمل على كتب في العقيدة. C'est-à-dire que l'ouvrage qui réunit beaucoup de grands chapitres, il comporte aussi des chapitres concernant la croyance, ككتاب الإيمان وكتاب السنة وكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب التي هي ضمن الكتب الجامعة. Et d'autres grands chapitres qu'on retrouve dans ces recueils qui réunissent ces chapitres. ومن العلماء من يخصص كتابا للعقيدة باسم السنة أو باسم الإيمان أو باسم الرد على الجهمية. Et parmi les savants, il y en a qui vont spécifier un ouvrage qui va être compilé, écrit spécialement dans le domaine et en matière de aqida, de la croyance et du dogme, qu'ils vont appeler al-sunnah, ou ils vont l'appeler al-iman, ou ils vont l'appeler réfutation de Jahmiyyah, de la croyance, du dogme, de la méthodologie, de la secte de Jahmiyyah. Donc c'est cette époque-là, c'était l'époque où des ulama ont répondu, ont réfuté, ont mis en garde contre cette secte qui est Al-Jahmiyyah, car elle faisait parler d'elle à ce moment-là. Et autre ouvrage. وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلْ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ الْجَامِعَ الْعَامَ كُتُبًا تَشْتَمِلْ عَلَى مَبَاحِثِ الْعَقِيدَةِ. Et parmi les savants, il y en a, au lieu de faire un ouvrage spécialement sur ce domaine, ils en font un, mais ils l'entrent dans le recueil complet du hadith. كَمَا فَعَلَ أَبُو دَاوُدْ رَحِمَ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ, comme l'a fait Abu Daoud rahimahullah dans ce recueil. ومن المعلوم أن التأليف في العقيدة له طريقتان. Et il est bien connu que l'écriture ou la compilation d'ouvrages dans l'aqida est faite de deux manières. Il y a deux façons de faire. إحداهما لُن طريقة المتقدمين, la manière de faire des anciens, des premiers. وهي أنهم يذكرون الأحاديث والآثار بالأسانيد. Dans leur recueil, ils citent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-athar, c'est le terme qu'on garde pour les citations, les récits des pieux prédécesseurs, des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, des tabi'in. Bien que le terme athar à la base, il englobe tout. On rentre même dedans le hadith. Mais d'une manière technique, ce terme-là, on l'emploie pour les citations et les récits des Sahaba et ceux qui viennent après. Donc, la manière, la méthodologie des premiers, des anciens, c'est de citer les hadiths et de citer les athar avec leur chaîne de narration. C'est-à-dire que l'auteur, il va directement dire « un tel m'a rapporté, j'ai entendu un tel dire » et ainsi de suite jusqu'à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole du compagnon ou la parole de un des pieux prédécesseurs. Wa amma at-tariqatu ath-thaniyah, et la deuxième façon de faire, fa hiya tariqatu al-muta'akhirin, c'est la méthode, la manière de ceux qui sont venus après. Wa hiya annahum ya'tuna ila mabahith al-aqidah fa yadhkuruna fi kulli mabhath ما ورد فيه من الآيات والأحاديث لكنها غير مسندة بل معزوة إلى الكتب المسندة. Alors leur méthode de ceux qui sont venus après, c'est d'entrer dans des questions dogmatiques, des sujets qui concernent la foi, la croyance, puis ils vont argumenter le sujet par des versets et des hadiths, mais sans ramener de chaîne de narration. Il ne va pas ramener sa chaîne de narration de lui jusqu'à l'auteur. Mais plutôt, il va dire où est-ce qu'on retrouve cette citation, où est-ce qu'on retrouve cette parole dans tel livre, dans tel recueil, qui dans ce recueil, dans ce livre, on retrouvera l'isnad, on retrouvera la chaîne de narration. C'est la méthode généralement connue aujourd'hui. فَيَقُولُونَ la مَثَلًا روى البخاري في صحيحه كذا وروى أبو داود في سننه كذا وروى ابن ماجه في سننه كذا دون أن يذكروا أسانيده بذلك وإنما يذكرون الكتب التي خرجت تلك الأحاديث وكذلك يذكرون الآثار والرد على المخالفين. Donc ils disent, à titre d'exemple, Al-Bukhari a rapporté dans son authentique telle chose. Abu Daoud a rapporté dans ses sunan telle chose. Ibn Majah a rapporté dans ses sunan telle chose. Sans citer les chaînes de narration. Seulement, il cite les recueils et les livres qui ont rapporté ces hadiths. Ou ces affaires. Ou la réfutation contre tel contradicteur ou tel opposant. ويأتي ضمن مؤلفات المتقدمين أسماء عامة يدخل تحتها مسميات كثيرة. Et entre dans les ouvrages ou les écrits des anciens de citer, de mettre des titres généraux, un titre général. Et entre dedans des sous-titres. Entre dedans des sous-titres. Un thème général et entre dedans à l'intérieur des sous-thèmes, si on peut dire. Mithlaf as-sunnah, comme le terme as-sunnah. Ja'a fihi mu'allafat 'adida. Beaucoup d'ouvrages de recueil portent ce nom. Minha ma huwa mawjoud wa minha ma laysa bimawjoudan bal fuqida wa lam yuthfar minhu bi shay. Il y a dans ces ouvrages, dans ces recueils anciens, des recueils, des ouvrages qu'on a entre nos mains, on a retrouvé traces, et il y en a qui ont été perdus. On ne les a jamais trouvés. On sait qu'ils ont existé, mais on ne les a jamais trouvés. Parce que des ulama ont parlé, ont dit, ont rapporté des citations de tel ouvrage, ou on dit que tel imam, tel savant, il a un tel ouvrage. Mais les ulama nous disent, on n'a pas de trace de ce livre. Il se peut qu'un jour, quelqu'un va retrouver un de ses livres, il se peut qu'on ne le retrouve pas. Pour X raisons, beaucoup d'ouvrages ont disparu, ont été perdus. À titre d'exemple, il est dit que les Tatars, les Mongols, lorsqu'ils ont envahi l'Irak, Bagdad, ils ont tout détruit, eux ils détruisaient tout. Eux, ils laissaient personne vivant. Ils tuaient tout sur leur passage. C'était une fitna énorme. De sorte que même certains musulmans pensaient que c'était Gog et Magog. Subhanallah. C'était une grande fitna qu'a subi le monde musulman à cette époque-là. Et il est dit que tellement qu'ils ont tué des gens, ils ont tué les savants qu'ils trouvaient, que les fleuves et les rivières, ils ont changé de couleur. Ils étaient rouges de sang. Et de même, tellement qu'ils ont détruit de livres, les bibliothèques, il y avait les plus grandes bibliothèques du monde à l'époque, se trouvaient là-bas, et bien l'Euphrate et le Tigre, qui sont les deux fleuves qui traversent l'Irak, ils étaient noirs d'encre. Subhanallah. Donc il se peut que beaucoup de ces ouvrages faisaient partie de cela. ومن أمثلة الكتب المؤلفة في السنة. Et parmi les exemples de livres qui ont été écrits dans le domaine de, qu'on vient de voir, de la Sunna, كتاب السنة لابن أبي عاصم. C'est un grand moujallad, un grand volume. Il y a aussi des fois, ça dépend des éditions, en deux volumes, mais il est connu aussi en un grand volume. Donc le كتاب السنة de l'imam Ibn Abi Asim. Donc en annotation, il est dit, en détail pour ce qui dit, Ahmed Ibn Omar Ibn Muhammad Ibn Abi Asim An-Nabil Abu Bakr Al-Shaybani Kana Hafidhan Aliman Zahidan Kathir Al-Hadith Muttabi'an Lil-Athar Kathir Al-Tasnif Min Kutubihi Al-Musnad Al-Kabir Wal-Ahad Wal-Mathani Wal-Sunnah ولي القضاء 13 سنة ولد 206 ومات بأصبهان 287. Donc l'imam Ibn Abi Asim al-Shaybani al-Nabil, ce grand savant, ce grand imam du hadith, il a beaucoup d'ouvrages parmi lesquels la sunna qu'on vient de voir. Il est né en l'an 206 de l'Hégire et est mort dans la ville d'Asbahan, qui est Isfahan, en Iran, en l'an 287 de l'Hégire. Rahimahullahu ta'ala. C'est-à-dire qu'il a vécu 81 ans. 287, il a vécu 81 ans, alayhi rahmatullah. Was-sunnah lit-Tabarani, Sulayman ibn Ahmed ibn Ayyub ibn Mutayr al-Lakhmi Abu al-Qasim al-Tabarani al-Hafiz min ahli Tabariyyat al-Sham حافظ عصره أقام في الرحلة 33 سنة وسمع الكثير وعدد شيوخه 1000 شيخ من مصنفاته المعاجم 3 الكبير المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير ودلائل النبوة والأوائل والدعاء والسنة ولد سنة 260 بعكة وسكن أصبهان إلى أن توفي فيها توفي سنة 360 هجرية. Donc ça c'est le grand imam de la Sunna, l'imam al-Tabarani, qui est originaire de al-Tabariya, qui est pas loin, c'est vers le lac de Tibériade, qui se trouve en Palestine, dans le territoire de Sham, la Syrie, la Palestine. Le grand imam, le grand savant du hadith de son époque. Il a voyagé pendant près de 35 ans à la recherche du hadith. Il a eu plus de 1000 professeurs. Rahmahullah ta'ala. Il est né dans la ville de Akka. Akka, c'est la ville de Acre, qui se trouve en Palestine. C'est un port qui est connu, le port d'Acre qui est en Palestine. En l'an 260 de l'Hégire. Puis, il a vécu à Isfahan, la ville dans laquelle il est mort, qui est en Iran, alayhi rahmatullah, en l'an 360 de l'Hégire. Il est né en 260 et il est mort en l'an 360. Il vécut exactement 100 ans et 10 mois. Rahmahullah ta'ala. Was-sunnah lil-lalaka'i hibatullah ibn al-Hassan ibn Mansour Abu al-Qasim al-Tabari al-Razi al-Shafi'i al-Baghdadi المعروف باللالكائي الحافظ استوطن بغداد قال الخطيب البغدادي صنف كتابا في السنن وكتابا في معرفة أسماء من في الصحيحين وكتابا في شرح السنة وغير ذلك وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شيء من الحديث وخرج في آخر أيامه إلى الدينور فمات بها كهلا سنة 418. Donc as-sunna de l'imam al-Lalaka'i alayhi rahmatullah. Il est mort en l'an 418 de l'Hégire, il était très âgé. Was-sunna li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Donc le livre aussi, le recueil de Sunnah de l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Nasr ibn al-Hajjaj Abu Abdillah al-Marwazi al-Hafidh ahadu a'lamil ummati wa uqalaiha wa kana imaman mujtahidan allamatan min a'lami ahli zamanihi bi'ikhtilafi sahabati wa tabi'in lahu musannafat منها القسامة في الفقه تعظيم قدر الصلاة السنة اختلاف الفقهاء ولد ببغداد سنة 202 ونشأ بنيسابور وسكن سمرقند وتوفي بها سنة 294 وكان أبوه مروزيا. Donc الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى, un des grands imams de son époque, parmi les plus intelligents de son époque. Il était reconnu pour être le plus connaisseur des divergences dans le domaine du fiqh qu'il y a entre les compagnons et les tabi'in. Il est né à Bagdad en l'an 202 de l'Hégire. Il a grandi à Neysabour. Neysabour, c'est une grande région qui est entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. C'est, on appelle en français le Nishapur. Et c'est une région qui a connu beaucoup de savants et d'imams dans la Sunna à l'époque. Puis, il a terminé sa vie dans la ville de Samarkand, Et Samarkand, c'est une des villes de l'Ouzbékistan. C'est en Ouzbékistan, c'est le même pays dans lequel il y a la ville de Bukhara, la ville de l'imam al-Bukhari. Et il est mort donc à Samarkand en l'an 294 de l'Hégire. Donc il vécut 92 ans, rahimahullah ta'ala. Et il y a plein d'autres ouvrages et recueils qui portent ce nom, As-Sunnah. Et il y a des ouvrages qui portent comme nom Al-Iman. مثل كتاب الإيمان لأبي القاسم عبيد لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي المتوفى سنة 224 والإيمان للعدني أبي عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المتوفى سنة 243 والإيمان لابن منده أبو عبد الله العبد محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى الحافظ المتوفى سنة 395. Donc comme ces à titre d'exemple ces ouvrages de l'imam de Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam al-Baghdadi mort en 224 de l'Hégire. Al-Iman de Al-Adami Abu Abdillah Muhammad ibn Yahya ibn Umar mort en l'an 243 de l'Hégire. Al-Iman de Ibn Mandah rahimahullah qui est mort en l'an 243 de l'Hégire. Al-Iman c'est Al-Adami qui est mort en l'an 243 de l'Hégire. Et on a aussi Al-Iman d'Ibn Mandah, rahimahullah, qui est mort en l'an 395 de l'Hégire. Et d'autres imams de l'époque ont donné comme titre à leur recueil Al-Rad al-Jahmiyyah, réfutation, réponse à la secte de Al-Jahmiyyah. من ذلك parmi ces ouvrages الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241 والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة عبد الله بن مسلم أبي محمد الديلوري المتوفى سنة 276 والرد على الجهمية للدارمي أبي سعيد عثمان بن السعيد المتوفى سنة 280 والرد على الجهمية لابن منده. Donc à titre d'exemple, il y a ces ouvrages qui portent le nom de réfutation réponse à Al-Jahmiyyah, comme celui de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah mort en l'an 241 de l'Hégire, de même que l'ouvrage de Ibn Qutayba Ad-Dainuri rahimahullah mort en l'an 276 de l'Hégire. De même que l'ouvrage de l'imam Ad-Darimi, Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id, mort en l'an 280 de l'Hégire, et de même l'ouvrage de Ibn Mandah, rahimahullah, qu'on a cité son nom tout à l'heure, pour les ouvrages qui portent le nom de l'imam. Wa minhum man sannafa bismi kitab, ça c'est en annotation. Il y a des passages, c'est en annotation. ومنهم من صنف باسم كتاب التوحيد. Et certains ont nommé leurs ouvrages, leur recueil, التوحيد. كتاب التوحيد لابن خزيمة أبي بكر محمد بن إسحاق الحافظ المتوفى سنة 311 وابن منده. Donc comme le كتاب التوحيد d'Ibn Khuzaymah رحمه الله mort en l'an 311 de l'Hégire. Et de même que Ibn Mandah, on a déjà cité son nom, rahimahullah, il a aussi un recueil qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Et concernant les recueils, les ouvrages écrits selon la méthodologie de ceux qui sont venus après. Il y a le commentaire, l'explication de Al-Aqidah al-Tahawiyya. Ça, c'est un volume connu de Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah. Wa kutub Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et ainsi que les recueils, certains recueils d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ka minhaj al-Sunnah. والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية. Donc les ces ouvrages qui concernent la croyance et le dogme et de la réfutation contre les sectes égarées dans le domaine de la croyance et du dogme, d'Ibn Taymiyyah al-Kitab al-Sunna, c'est une grande réfutation, un grand chiite rafidi de l'époque d'Ibn Taymiyyah rahmahullah. Il est publié en 8-9 volumes le livre. Il s'appelle Minhaj al-Sunna. Et là aussi l'Aqida al-Wasitiyya qui est connue hein, dans le domaine de, du dogme et surtout sur l'asma wa sifat. Et al-Wasitiyya c'est tiré du mot Wasit. Wasit est une ville qui est entre la Syrie et l'Irak. C'est une ville, quelqu'un lui a demandé de compiler la croyance authentique de l'Sunna. Et comme le questionneur venait de Wasit, plus tard elle a été appelée l'Aqida al-Wasitiyya. Tadamouria, ça vient de la ville de Tadamour. Je crois que c'est... Comment elle s'appelle en français? Tadamour en français, c'est Palmyre, en Syrie. C'est Palmyre, la ville de Palmyre. En arabe, c'est Tadamouria. Donc l'Aqida, c'est sûrement quelqu'un qui a dû demander de cette ville-là. Al-Hamawiyya, ça vient de la ville de Hama, qui est en Syrie. La ville de Hama, elle est connue. La ville de Hama, qui est dans le nord de la Syrie. ومثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله de même que les ouvrages du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab عليه رحمة الله ككتاب التوحيد وغيرها من الكتب et d'autres ouvrages. المعاني المرادة من إطلاق كلمة السنة. Je peux continuer? Les différentes significations voulues par le terme السنة. ولفظ السنة يطلق على أربعة معاني. Le terme sunna, lorsqu'on l'emploie, on entend par là quatre sens, quatre significations. أعمها وأشملها. Le sens le plus global, le plus général, أن السنة تطلق ويراد بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي سواء كان كتابا أو سنة. Ce sens global et général par le terme sunna, il est voulu tout ce avec quoi est venu notre prophète صلى الله عليه وسلم. Toute la révélation que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a transmise, que ce soit le Coran ou la sunna. Tout cela, c'est qui nous l'a rapporté, qui nous l'a transmis? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça entre dans ce sens général et global du terme as-sunna. Wa al-muradu bis-sunna huna, et donc ce qui est voulu par sunna ici, at-tariqa, c'est la voie, le chemin, la méthodologie. Ay tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. Donc c'est la voie, le chemin, la méthodologie sur laquelle était le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Ce sur quoi était le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Tout ce avec quoi est venu et nous a rapporté notre prophète صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم. Et entre dedans, dans cette signification globale, générale, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man rahiba an sunnati falaysa minni. Celui qui veut se passer de ma sunna, qui ne veut pas de ma sunna, ne fait pas partie de moi. Et le hadith muttafaqun alayhi, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ay tariqatuhu wa manhajuhu, c'est-à-dire sa méthodologie, sa voie, et tout ce avec quoi il est venu alayhi salatu wassalam wa dinuhu alladhi jaa bihi alayhi salatu wassalam, et la religion avec laquelle il est venu alayhi salatu wassalam. Fa al-Qur'an min sunnati ar-rasul sallam, et donc le Coran entre dans la sunna du prophète sallam sallam. Wal hadith min sunnati ar-rasul sallam, et le hadith, les hadiths rapportés entrent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu ma jaa bihi ar-rasul min al-wahy, et tout ce avec quoi est venu le message d'Allah comme révélation. فهو داخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. Tout ceci entre et fait partie intégrante de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم dans son sens large, dans son sens général et global. فمن رغب عن سنتي التي جئت بها, celui qui veut se passer de ma sunna, c'est-à-dire avec laquelle je suis venu, sawa'an kanat fil Qur'an ou fil Sunna, que ce soit des choses qu'on retrouve dans le Qur'an ou dans la Sunna, falaysa minni, il ne fait pas partie de moi. Fa kullu ma ja'a fil Qur'an was Sunna fa huwa sunnatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on retrouve dans le Qur'an et dans la Sunna, ceci fait partie de la tradition du prophète alayhi salatu والسلام. وهذا هو أوسع المعاني. Et voilà le sens le plus large et le plus global et plus général pour ce terme-là. Ça c'est le premier. والمعنى الثاني. La seconde signification. أن تأتي بمعنى الحديث. Il est voulu par la sunna le hadith. Les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. أي خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est propre, spécifique au hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. فالمحدثون والفقهاء عند استدلالهم على المسائل بقولهم مثلا وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أو القياس فهم يريدون بالسنة هنا الحديث لأنها عطفت على الكتاب فيراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc les muhaddithins, les ulama du hadith, ainsi que les fuqaha, les ulama dans le domaine de la jurisprudence, lorsqu'ils s'argumentent sur des sujets, sur des questions, en disant à titre d'exemple, ce point-là, cette question-là, cette opinion-là, la preuve de cela, on la retrouve dans le livre et dans la sunna, dans le consensus et dans et c'est aussi reconnu par la raison. Il est voulu là par là al-qiyas qui est la comparaison par analogie. Donc c'est la raison qui c'est un travail de la raison. Ils veulent par là, par le terme sunna employé ici, le hadith, c'est-à-dire qu'on a la preuve dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que là, la sunna a été citée juste après le livre, le Coran. Donc c'est bien pour parler de quelque chose qui est en dehors du Coran. Il est voulu les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Donc là, c'est quelque chose de spécifique. Il est voulu les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. فَإِذَا ذَكَرُوهَا إِجْمَالًا عَادُوا إِلَيْهَا تَفْصِيلًا. Et lorsqu'il la cite globalement, dans son sens le plus général, ils vont après rentrer dans les détails. فَقَالُوا فَأَمَّا الْكِتَابِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا السُّنَّةِ فَقَوْلُ الرَّسُولَ كَذَا وَأَمَّا الْإِجْمَاعِ فَقَدْ حَكَى فُلَانٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى كَذَا وَأَمَّا الْمَعْقُولِ فَإِنَّ الْقِيَاسَ وَالْعَقْلِ يَدُلُّ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِمَّا هُوَ مُطَابِقٌ لِلنَّقْلِ. Donc, quand ils disent la preuve de telle question, c'est le livre, la sunna, le consensus et la raison ou la comparaison par analogie, après avoir dit ça, ils vont rentrer dans les détails et vont dire c'est prouvé par le livre car il y a la parole d'Allah qui dit ceci. Ils vont ramener le verset et les versets qui prouvent cela. Puis, ils vont dire, et dans la sunna, on a la parole du messager d'Allah qui dit ceci et cela. Et pour le consensus, l'unanimité, que les ulama de la sunna, de l'islam sont unanimes là-dessus, ils vont dire, car tel imam, tel savant de l'islam a rapporté, a cité qu'il y a le consensus des ulama là-dessus. Et concernant la raison ou la comparaison par analogie, ils vont dire, parce que telle chose, elle est connue religieusement dans les textes qu'elle interdit pour telle raison. Cette chose-là nouvelle qui vient d'arriver, après avoir bien étudié, elle ressemble et elle a les mêmes effets que telle. Donc, elle prendra le même jugement Comment on l'a su? Par comparaison, par analogie. Donc ceci vient à montrer que c'est conforme au texte. وهي بهذا المعنى تسمى السنة أو الحديث. Et dans ce sens-là, la sunna avec la signification du hadith, on l'appelle la sunna, on l'appelle le hadith. وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. C'est tout ce qui a attrait au prophète صلى الله عليه وسلم. Tout ce qui est relié, affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes, les œuvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un taqrir, c'est... Aidez-moi quand j'ai un trou. Les approbations, c'est-à-dire que quelqu'un dit une chose, quelqu'un fait une chose, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a été informé et le prophète ne dit rien. Son silence vaut approbation. Il n'est pas permis. Il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voie une chose, entende une chose, apprend une chose qui a été dite ou faite et qui est contraire à la religion et se taise. Ça, ce n'est pas possible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut dire qu'il a approuvé. Et ça entre dans la sunna. Dans la sunna. Parce que ça a été approuvé par le prophète. Alayhi salatu wassalam, on appelle ça at-taqrir. Ou alors, c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une description physique ou du comportement, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela entre dans les hadiths. Donc les hadiths, ce sont le prophète a dit, le prophète a fait, il a été dit. Il a été fait devant le prophète en a été informé, il l'a accepté, il n'a rien dit, ça devient une approbation, ou alors le compagnon nous décrit le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. Al-ma'na al-thalith, la troisième signification du terme al-sunnah. Al-yu'ta bi-sunnah fi muqabil al-bid'ah. C'est lorsque la sunnah est employée en opposition à l'innovation. En opposition face à l'innovation. وَمِنْهُ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ هُنَا. Et voilà la signification qui est voulue dans notre chapitre. Dans notre chapitre, c'est-à-dire ce sur quoi sont Ahlus Sunnah par rapport aux gens de l'innovation et de l'égarement. فَإِنَّ قَوْلَهُ كِتَابِ السُنَّةِ. Lorsque l'imam Abu Dawud rahimahullah a donné ce titre Kitab as-Sunnah, c'est-à-dire ma yu'taqadu tibqan lis-Sunnah, c'est la croyance qu'on doit avoir qui est conforme à la Sunnah, mukhalifan wa mubayinan ma huwa mubtada', qui est en contradiction et en opposition totale avec ce qui est innové. Ou alors al-aqida as-salima al-mustaqima المطابقة للسنة. Il est voulu par kitab al-sunnah, c'est-à-dire la croyance saine, la croyance droite, authentique, qui est en totale conformité, concordance avec la sunna. مخالفاً ومبايناً ما هو مبتدع. Qui est en totale opposition avec ce qui est innové. وكذلك قولهم فلان من اهل السنه. De même, il en est lorsqu'on dit un tel fait partie des adeptes de la sunna. اي من هو على عقيده سليمه وصحيحه. C'est-à-dire que c'est une personne qui est sur une croyance saine et un homme authentique. ويقال, et on dit aussi هذا سني وذاك بدعي. Celui-ci, cette personne, c'est une personne de la sunna et l'autre, c'est une personne de l'innovation. إِذَا كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَذَاكَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Lorsque un tel fait partie de la sunna et que l'autre fait partie des gens de l'innovation. وَالْمَعْنَى الرَّابِعِ. Et la quatrième signification, أن يراد بالسنة المندوب والمستحب في اصطلاح الفقهاء. C'est lorsqu'il est voulu par le terme sunna ce qui est recommandé, ce qui est conseillé. Et ceci est la signification technique connue chez les savants de la jurisprudence, dans le domaine de la jurisprudence. فالفقهاء يقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام. Les فقهاء, dans le fiqh, ils expliquent que les jugements des actions dans la jurisprudence sont de cinq sortes. Il y a cinq subdivisions, si on peut dire. وَهِيَا chaque chose qu'on va faire, qu'on va dire, elle entre dans un de ces cinq jugements. وَاجِبْ وَمَنْدُوبْ وَمُحَرَّمْ وَمَكْرُوهْ وَمُبَاحْ. Soit cette chose, elle est obligatoire, soit elle est recommandée, soit elle est interdite, soit elle est déconseillée, ou soit elle est permise. D'accord ? On a ce qui est permis. Tu le fais, tu le fais pas, c'est la même chose. Tu le dis pas, c'est la même chose. Puis, on a le recommandé. De l'autre côté, on a déconseillé. Puis, on a l'obligatoire. Et de l'autre côté, on a l'interdit. Donc ça ne sort pas d'un des cinq jugements. C'est ce qu'on appelle l'ahkam al-khamsa. L'ahkam al-khamsa dans le domaine du fiqh. Et wajib al-fard, c'est pareil. Le wajib al-fard, c'est pareil. C'est deux termes synonymes qui veulent dire la même chose. Certains ulama disent que sauf chez les hanafites, qui eux font une différence entre le fard et le wajib, c'est que le fard, les arguments sont bien plus forts que le wajib. Mais chez la majorité des ulama, ils ne font pas de distinction. Le fard ou le wajib, c'est la même chose. C'est deux mots pour dire la même chose. فَمَا أَمَرَ أُمِرَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ وَالْإِيجَابِ وَهُوَ الَّذِي يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ يُقَالُ لَهُ وَاجِبٌ. Donc, lorsqu'il y a un ordre religieux, nous demandons de faire une action fermement et que c'est un ordre à exécuter, celui qui l'accomplit sera récompensé et celui qui ne le fait pas sera puni pour son délaissement. C'est ce qu'on appelle l'obligatoire. وَمَا أَمَرَ بِهِ وَمَا أُمِرَ بِهِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَابِ وَإِنَّمَا عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْبَابِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ سُنَّةٌ وَمَنْدُوبٌ وَمُسْتَحَبٌ وَهِيَ مُتَرَادِفَاتٌ عِنْدَهُمْ فَإِذَا جَاءَ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ يُسَنُّ كَذَا أَوْ يُسْتَحَبُّ كَذَا أَوْ يُنْدَبُ كَذَا أَوْ هَذَا السُّنَّةُ أَوْ هَذَا مَنْدُوبٌ أَوْ هَذَا مُسْتَحَبٌ فإنه يقصد به هذا المعنى الرابع. Et lorsque une chose nous est demandée dans les textes religieux, donc c'est le verbe, il a l'impératif. Mais les ulama nous expliquent et vont prouver que cet ordre-là n'est pas obligatoire. Il y a des éléments qui vont nous montrer qu'en fin de compte, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé. Cette action-là, c'est celle-là que celui qui le fait sera récompensé, celui qui ne l'a pas fait ne sera pas puni. Cette action-là, dans le sens technique employé par les fuqaha, il l'appelle sunna. Et on l'appelle aussi mandoub. Et on l'appelle aussi mustahab, qui veut dire c'est une action conseillée, recommandée, qui est meilleure à faire. Et tous ces termes-là, en fin de compte, ils deviennent des synonymes. Hein, plusieurs termes qui, au final, veulent dire la même chose. Donc, lorsqu'on retrouve dans les livres des fuqaha, dans le domaine du fiqh, il est sunna de faire telle chose, il est recommandé de faire telle chose, il est conseillé de faire telle chose, ou ceci est une sunna, ou ceci est conseillé, ou ceci est recommandé, il est voulu par ce terme-là, ce sens, le quatrième sens qu'on est dedans là, qui est seulement veut dire recommandé. Ici se termine l'explication du cheikh, le grand savant Abd al-Muhsin al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.